romans, deux succès qui avalent tout le reste. De René Barjavel, on se souvient de Ravage et de son monde post-apocalyptique, inventé en 1943, c'est-à-dire bien avant toutes les Mad Maxeries qui peuplent la fiction contemporaine. Et puis, il y a son livre phare, La Nuit des Temps, histoire d'amour et récit fantastique de l'âge d'or de la Terre, quand notre planète hébergeait le monde du Gondawa il y a 900 000 ans. Pourtant, René Barjavel, ce fut bien d'autres textes, mais aussi d'autres activités. Il a été journaliste, a travaillé pour le cinéma, jusqu'à écrire finalement plus de dialogues et de scénarios de films que de livres. René Barjavel, une œuvre hors des ravages du temps. C'est le sujet de ce Vendredi Fiction qui nous fera voyager dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Pour parler de l'œuvre de René Barjavel, pour voir si on peut ou non le qualifier d'auteur de science-fiction, si d'autres vocables sont mieux adaptés, nous avons aujourd'hui le plaisir de discuter avec deux invités. En plateau avec nous, Pierre Creveuil, bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de l'association des amis de René Barjavel et à ce titre, vous avez créé le site de référence en l'espèce qui s'appelle barjaweb.free.fr, oui. Sur lequel tous les fans de l'auteur peuvent glaner tout un tas d'informations. On le verra plus tard dans le cadre de l'émission. Natacha Vasderes, bonjour. Bonjour. Vous êtes également avec nous, mais vous êtes depuis Bordeaux. Vous êtes chercheuse associée de l'université Bordeaux-Montaigne, spécialiste de la littérature d'anticipation et de la SF en général. Alors, comme chaque jour, cette émission est à suivre en direct sur les ondes de France Culture. Mais vous pourrez aussi l'écouter après l'heure de l'émission en replay sur notre site franceculture.fr. Vous pourrez aussi l'écouter avec un podcast. Il suffira d'utiliser votre appli préférée. Nous sommes cette fois encore, comme toujours, sur les réseaux sociaux avec Twitter. L'adresse de la méthode scientifique sur Twitter, c'est @lamethodefc. Et nous posterons, durant l'heure qui vient, les informations complémentaires autour de Barjavel. Mais, avant d'aller explorer les différentes vies qu'a eues René Barjavel, voici celle qui est prête à aller jusqu'au Gondawa pour glaner le meilleur de l'actualité scientifique. C'est Natacha Triou et son journal des sciences. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bonjour Natacha. Le journal des sciences. Le premier sujet de ce journal, la découverte dans le système solaire de Far Out, l'astre le plus distant du Soleil jamais observé depuis la Terre. Far Out, littéralement, ça veut dire très loin. Les chercheurs l'ont découvert dans la ceinture de Kuiper de notre système solaire, à une distance d'environ 120 fois la distance Terre-Soleil, à 120 unités astronomiques. Il est tellement loin qu'on ne sait pas grand-chose de lui. Far Out fait 500 km de diamètre. C'est plus petit que Pluton, mais plus gros que la plupart des astéroïdes. Il est également nacré d'eau rose, ce qui laisse présumer la présence de glace à sa surface. Alors on ne connaît pas très bien non plus son orbite. Il se déplace très lentement, il lui faudrait 1000 ans pour faire le tour du Soleil. Des corps aussi lointains, on en connaît peu, il y en a au moins 10 actuellement connus. Donc pour la compréhension de l'histoire du système solaire, la découverte de Far Out est une grande richesse, surtout pour mieux comprendre l'histoire gravitationnelle et collisionnelle de cette région. Bruno Sicardi est astrophysicien à l'Observatoire de Paris-Meudon. Chaque fois qu'on trouve un nouvel objet comme ça, ça apporte un petit peu plus d'informations sur la structure des orbites de ces corps lointains et donc sur les perturbations que le système solaire a subies au cours de son histoire. Alors une deuxième chose importante, c'est que vu sa taille, ça donne le nombre de corps d'une certaine taille dans une certaine région du ciel. Donc ce qu'on appelle la distribution de taille. Et cette distribution de taille, donc le nombre de corps dans une marge donnée de taille, nous indique des choses sur l'histoire collisionnelle de ces corps au début du système solaire. Autrement dit, la distribution de taille est un indice de la manière dont tous ces corps sont entrés en collision au cours de leur histoire. Et donc, ça dépend de la densité de corps qu'il y avait à l'époque, de la manière dont ils ont été perturbés, etc. Donc, ça nous indique, si vous voulez, non seulement les perturbations gravitationnelles qu'ils ont subies, mais également les perturbations collisionnelles entre eux. Donc, ça réécrit, ou ça contraint du moins, à réécrire l'histoire du système solaire. Un deuxième point qui intéresse particulièrement les chercheurs, l'orbite de Far Out. Ces prochaines années, les astronomes vont poursuivre et affiner leurs observations pour mieux déterminer son orbite. Car selon les résultats, Far Out pourrait renforcer l'hypothèse de la planète X. Alors pour rappel, on soupçonne l'existence d'une énorme planète, pas encore détectée à environ des milliers d'unités astronomiques du Soleil. Ce serait l'influence gravitationnelle de cette planète qui permettrait d'aligner les orbites des autres planètes les unes par rapport aux autres. D'ailleurs, Far Out a été trouvé dans le cadre de la quête de cette fameuse planète X. C'est donc une découverte collatérale. Alessandro Morbidelli est directeur de recherche au CNRS et planétologue à l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice. Il nous explique quel est l'enjeu à mieux définir l'orbite de Far Out. Les orbites qui ne sont pas très allongées, donc qui ne vont pas très loin, vont juste à quelques 150, 200 unités astronomiques, elles ne vont pas suffisamment proches de la planète, de cette hypothétique planète 9, pour être perturbées par la planète 9. Leur dynamique est complètement régie par les perturbations exercées par les planètes connues, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et donc, leur orientation, leur forme, leur évolution ne nous révèle rien sur cette hypothétique planète. Pour révéler quelque chose sur cette hypothétique planète, son orbite, sa position, éventuellement la découvrir, on ne s'intéresse qu'à des orbites très allongées, donc qui vont au-delà des 500 unités astronomiques. Donc si cet objet, qui est aujourd'hui à 120 unités astronomiques, il se trouve aussi sur une orbite très allongée qui va au-delà des 500 unités astronomiques, il sera important pour la quête de la planète 9. Mais si, comme on dirait actuellement, sur la base de ces données très préliminaires, il se trouve simplement à l'aphélie d'une orbite qui n'est pas très allongée, qui va juste 150 unités astronomiques au maximum du Soleil, ben il ne nous renseignera en rien sur la planète 9. En bref, la COP 24 s'est conclue le week-end dernier à Katowice, en Pologne. Dans les temps forts de cette COP, le discours de la militante de 15 ans, Greta Thunberg, a été très remarqué. Dans les mesures concrètes, la COP 24 a réussi à formuler les règles d'application de l'accord de Paris. Les règles du fameux rulebook ont donc été adoptées. Et en revanche, aucun des États n'a fixé leur objectif de réduction de gaz à effet de serre. La revue Nature a publié cette semaine son palmarès des personnalités les plus importantes du monde des sciences en 2018. Et parmi les 10 scientifiques les plus influents, on y trouve la climatologue Valérie Masson-Delmotte, directrice de recherche au CEA et coprésidente du rapport du GIEC. Elle sera l'invitée de la camarade Caroline Brouet demain dans les matins du samedi. On poursuit avec le deuxième sujet de ce journal. 4 ONG attaquent en justice l'État français pour inaction climatique. Lundi, l'Élysée a reçu le lancement d'une procédure judiciaire de la part de Greenpeace France, Notre Affaire à tous, Oxfam France et la Fondation pour la Nature et l'Homme. Alors pour le non-respect des engagements pris en matière de lutte contre les réchauffements climatiques, on demande réparation de nos préjudices et que l'État agisse tout de suite, dit la lettre. Les signataires s'appuient notamment sur le rapport alarmiste du GIEC. On n'en est pas encore au stade de procès, le gouvernement a 2 mois pour répondre à cette lettre, mais ce type d'initiative en France, c'est une première. Depuis 2015, un certain nombre d'acteurs ou d'ONG ont compris que l'on pouvait mobiliser devant les juges nationaux le droit national, européen, voire même le droit international. La justice climatique est une notion en pleine élaboration, mais que peut le droit pour le climat? Le climat peut-il être une affaire de justice? Martha Torre-Schaub est juriste, chercheuse au CNRS et à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques. Elle dirige le réseau Droit et Climat et elle nous parle de l'activisme judiciaire et de ses moyens d'action en France. En Europe, on avait déjà cette action en justice d'abord en 2015 et qui a été confirmée en appel le 9 octobre dernier aux Pays-Bas, l'affaire Urgenda. En appel, ceci a été ratifié en rajoutant une deuxième couche qui est de condamner l'État également parce que il y a violation des droits de l'homme sur la base de la Convention européenne des droits de l'homme, sur la base des articles 2 et 8 pour la protection de la vie, le numéro 2, le droit à la vie familiale, à la vie privée. Et en France, on est assez bien lotis finalement, puisque outre cette charte de l'environnement, on a quand même le code de l'environnement où il y a beaucoup de dispositions convention sur le changement climatique, donc on peut les appliquer. Et il y a aussi la loi sur la transition énergétique avec son article 173 qui impose un certain nombre d'obligations à certains établissements. Ça donne un éventail assez important des leviers d'action juridique sur l'activisme judiciaire et le volet actif en fait, de la justice climatique. En plus de ce recours en justice, les ONG ont aussi lancé une pétition en ligne sur le site l'affairedusiècle.net. La pétition a déjà recueilli plus d'un million de signatures en 4 jours. En bref, dans une récente étude sur la population des requins, des chercheurs sonnent l'alerte. En Australie, les requins sont en train de disparaître. Grands requins, mais aussi requins marteaux, requins tigres, requins blancs ou requins cuivres. Pour certains d'entre eux, ils ont disparu jusqu'à 92% depuis les années 60. C'est un déclin effrayant, disent les chercheurs. En cause, la pollution, la pêche et surtout la chasse aux requins par mesures sécuritaires. On connaît l'impact de la disparition des grands prédateurs terrestres sur l'écosystème. Et bien pour les prédateurs marins, c'est pareil. Ils tiennent un rôle indispensable de régulateur des écosystèmes côtiers. L'étude rappelle qu'en tant que charognards, par exemple, ils sont des nettoyants de l'océan. Problème, sans convention internationale, leur protection est compromise. Les chercheurs du CNRS et de l'INSERM ont identifié de nouvelles causes qui favorisent la migraine. Dans le monde, nous sommes 15% à connaître des crises migraineuses. En France, cela concerne 7 millions de personnes. Pourtant, on ne comprend pas très bien ces mécanismes. Alors, selon cette étude parue lundi, la migraine serait liée à la mutation d'un gène et au dysfonctionnement d'un des canaux ioniques du cerveau. Les canaux ioniques, ce sont eux qui régulent l'activité électrique entre les neurones. Cette découverte ouvre de nouvelles pistes de recherche pour un traitement efficace. Les chercheurs espèrent en élaborer un d'ici 5 ans. Et on termine, comme toutes les semaines, avec la rubrique des sciences improbables et la découverte au Panama d'une nouvelle espèce d'amphibien. Alors c'est un petit amphibien de 10 cm de long qui ressemble à un lombric. Il a la particularité d'être aveugle et de plonger la tête dans le sable. Alors jusqu'ici, rien de très étonnant, sauf qu'il porte désormais le nom de Dermophis Donald Trumpy. Ce baptême vient de l'ONG Rainforest Trust. C'est pour rendre hommage, si on peut dire, à sa politique d'autruche et à son aveuglement vis-à-vis du réchauffement climatique. Et sur le web, on trouve un super photomontage de ce lombric avec l'emblématique coupe de cheveux du président américain. Alors c'est pas la première fois qu'une nouvelle espèce animale est baptisée du nom d'une célébrité. On va mettre sur le fil Twitter de la méthode scientifique un lien vers un diaporama où vous pourrez en découvrir plusieurs. Il y a par exemple le coléoptère Agra Kate Winslet Tae ou le Mesoparapilocheles Michael Jacksoni, qui est le fossile d'un Bernard l'ermite, hein, il faut le voir pour le croire évidemment. Une réaction peut-être à ce journal des sciences de Natacha Triou, Pierre Creveuil, la planète naine, hein, Far Out, qui est aux confins du système solaire, on imagine que ça aurait pu être de la graine d'inspiration pour quelqu'un comme Barjavel. De la graine d'inspiration romanesque. Peut-être, encore que Barjavel a très peu écrit à propos de monde extraterrestre. Il avait une position très prudente là-dessus. En revanche, par rapport à l'exploration, la conquête de l'espace, c'était un de ses domaines d'intérêt préféré, puisque dans la fin des années 60, c'était lui pratiquement qui couvrait pour une radio périphérique à laquelle il travaillait la conquête spatiale. Il a été envoyé spécial à Cap Canaveral à plusieurs occasions. Et pour lui, c'était l'avenir de l'humanité. Il le voyait dans les étoiles. Il a commenté les vols voilà, des navettes Apollo. Voilà, il a commenté les vols et les alunissages d'Apollo et même le vol préliminaire. Une très belle émission qui a été enregistrée. Et il a écrit ensuite dans sa chronique hebdomadaire au journal du dimanche toute une série d'articles régulièrement sur la conquête spatiale. Alors on verra dans la suite de l'émission qu'effectivement il a eu une grosse activité de journaliste, René Barjavel. Natacha Vazderès, une réaction également à cette thématique spatiale qu'on a entendue dans le journal, ou peut-être à autre chose d'ailleurs, hein, qui vous évoquera davantage l'œuvre de Barjavel. Oui, alors... Peut-être, oui, c'est vrai que Barjavel n'a pas vraiment écrit de space opéra, parce que tout simplement, bon, il a quand même écrit la grande majorité de ses romans d'anticipation dans les années 40, donc on n'était pas du tout finalement dans la dimension de l'exploration spatiale. Donc moi, j'ai essayé de faire le lien entre vos deux grands thèmes là, de l'actualité scientifique, c'est-à-dire cette découverte donc, dans l'espace, et puis l'écologie. Et ça m'a fait penser en fait à Camille Flammarion, alors qui est un auteur auteur évidemment qui n'a rien à voir avec Barjavel, mais qui était à la fois astronome et qui en même temps a quand même réfléchi à une fin du monde climatique dans la fin du monde en 1894. Donc en fait on se rend compte quand même que la science-fiction, même depuis la fin du 19e siècle, est quand même toujours très proche, vous voyez, des préoccupations de la science. Et on y reviendra évidemment avec Barjavel. La méthode scientifique, Olivier Lascar. En préparant cette émission avec l'équipe de la méthode scientifique, évidemment, on a jonglé avec les différents titres qu'on pouvait lui donner à cette émission consacrée à Barjavel. On avait pensé par exemple aux mille et une vies de Barjavel, tant l'écrivain ne peut pas être enfermé dans cette seule activité. Alors, pour comprendre qui il était, René Barjavel, on va écouter ce qu'en disait le principal intéressé dans un entretien qui a d'abord été diffusé le 2 juin 1969 dans l'émission Radioscopie de France Inter. Je suis un homme moyen, petit-fils de paysan du côté de mon père aussi bien que du côté de ma mère, fils d'ouvrier, mon père était ouvrier boulanger. Je suis donc la première génération qui ne travaille pas de ses mains et j'en souffre souvent et beaucoup parce que le stylo est vraiment un objet incongru, c'est quelque chose, c'est une fabrication artificielle, ça sert à faire des gribouillis sur du papier, c'est pas du travail. Et toute ma vie, j'ai souffert de ce besoin de me dépenser physiquement, de faire un travail vrai, et que je puisse voir, qui sorte de mes mains. Tandis que écrire des romans, parler à la radio, apparaître sur l'écran de la télévision, tout ça, au fond, c'est du vent et de la fumée. On croit semer des idées, mais ces idées, quelles que soient les idées qu'on puisse avoir, quelqu'un les a déjà eues avant. Et de toute façon, le succès, une certaine renommée, bon, vanité. Natacha Vazderès, ce portrait de René Barjavel en manuel contrarié, est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend ? Oui, un petit peu, effectivement, parce que je crois que Barjavel, enfin, dans sa biographie, dans sa dimension biographique, moi, je pensais qu'il avait toujours, mais peut-être que Pierre va nous préciser ce point-là, mais je croyais qu'il avait justement toujours voulu essayer de ne pas suivre peut-être la voie de ses parents et travailler donc à la boulangerie. Alors, je sais qu'il a fait son pain toute sa vie. Donc, ça, c'est une activité, je sais qu'il lui plaisait. Mais par contre, je crois que c'était quand même quelqu'un qui a toujours voulu écrire et qui a toujours voulu travailler quand même dans ce milieu-là, puisque ça rend rencontre donc avec Robert de Noël en 1935 fait qu'il va en fait être un véritable polygraphe aux multiples talents. Il est secrétaire en 1935, donc il est secrétaire de rédaction dans la revue Le Document, puis il est chef de fabrication des éditions de Noël. Il va collaborer à divers journaux, donc ça c'est vrai qu'il a une grosse activité journalistique, critique cinématographique, et puis après évidemment romancier. Oui, tout mais ça, tout ça n'est pas arrivé par hasard, quoi. Non, honnêtement, je ne pense pas. Je crois que c'est quand même quelqu'un qui aime l'écrit de façon générale, que ce soit dans une activité journalistique ou dans une activité d'écrivain. En fait, c'est l'écriture qui lui plaît. C'est peut-être un paysan de l'écriture, ça c'est fort possible, ce qui me fait penser à un autre paysan de l'écriture et de la SF française qui était Michel Jury. Mais dans tous les cas, je crois que son travail d'écrivain, c'était quelque chose d'important pour lui. Enfin, Pierre Creveuil peut-être pourra préciser ce point-là. Alors justement, Pierre Creveuil, cet extrait, il permet aussi de commencer du commencement, quoi, avec des éléments biographiques de Barjavel, qui est né en 1911 dans la Drôme. Alors Barjavel est né en 1911 dans la petite ville sous-préfecture de Nyons, dans la Drôme provençale. Donc il se considère bien comme provençal, avec même un peu d'accent qu'il n'a pas gardé. Et d'une famille de paysans, et il revendiquait ce mot de paysan, et il en était fier. Il n'aimait pas trop le mot agriculteur, mais il était fier d'être paysan. De paysan par ses ancêtres paternels, également par ses ancêtres maternels, mais qui étaient plutôt des paysans assez beaucoup plus aisés. Et puis, devenu boulanger parce que la terre, surtout dans le village de son père et de côté paternel, la terre des hautes collines de Tarandol, où il est maintenant enterré et où vivaient ses ancêtres, n'avait un rendement très faible, c'est très pauvre. Donc son père est descendu en ville à Nyons pour être apprenti boulanger parce qu'il y avait vraiment pas de quoi le nourrir sur les terres de la famille. Il est devenu boulanger, il s'est marié avec sa mère, et Barjavel est né donc en 1911, et ses parents voulaient quand même qu'il progresse, comme on dirait maintenant, qu'il progresse socialement. Il est allé à l'école, qu'il n'aimait pas du tout. Et puis un beau jour, son instituteur ou son professeur de collège, mais c'était à l'école de Nyons, donc cet instituteur a lu en classe sa rédaction en le félicitant et en lui disant, ce qui l'a beaucoup étonné, Barjavel, vous êtes intelligent, il faut travailler. Et il s'est mis à travailler. Malheureusement et peut-être heureusement toute chose malheureuse. Bon, sa mère est décédée peu après, lorsqu'il avait une douzaine d'années, et son père ne pouvait pas le nourrir, le garder, et il s'est trouvé que le principal de l'école, du collège de Nyons, avait été ensuite muté au collège de Cusset, dans l'Allier, et a emmené avec lui le jeune Barjavel, qui a ensuite poursuivi sa scolarité au collège de Cusset. Et là, ça a été une révélation, parce qu'il s'est retrouvé dans un collège très dynamique, avec un principal assez révolutionnaire pour l'époque, c'était mixte et il organisait des soirées dansantes entre les élèves. Enfin, c'était oui, un peu. Il a appris vraiment à écrire et ça l'a éloigné de ce milieu très rural. Il en a toujours gardé une nostalgie et dans Radio Stopil le dit, dans une émission aussi sur France 3 le 7 août 1977, l'homme en question. Il explique un petit peu qu'il a une sorte de, pas de schizophrénie, mais de dichotomie entre son côté rural, attaché à la campagne, et son côté littéraire, plus attaché, non pas au monde parisien, mais à la vie littéraire. Et ça explique aussi des changements, que ces deux facettes se trouvent alternativement, voire mélangées dans son œuvre, mais également dans la perception que le public a pu en avoir. Alors, Natacha Vazderès, est-ce qu'on sait néanmoins qu'enfant ou jeune homme, Barjavel est lecteur de Jules Verne, de Wells, des auteurs qui vont ensuite l'influencer ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, Barjavel dit lui-même qu'il n'écrit pas en fait de romans de science-fiction, tout simplement parce que Ravage date de 1943 et qu'à cette époque, en France, on parlait quelques dizaines d'années auparavant, dans les années 1910-1920, de merveilleux scientifiques, puis d'anticipation. Mais en fait, on ne parlera de science-fiction véritablement que dans les années, donc à partir des années 1950. Donc en fait, Barjavel dit qu'il écrit des romans extraordinaires et pour lui, en fait, c'est un hommage assez discret au voyage extraordinaire de Jules Verne. Mais surtout, je crois que ce qu'il faut quand même retenir, c'est que donc Barjavel a été un lecteur quand même des grands auteurs américains, donc par exemple de Bradbury, de Simak, de Van Vogt, d'Asimov. Alors peut-être que ça ne l'a pas influencé, je dirais, au tout début de sa carrière, mais dans tous les cas, sa science-fiction, c'est une science-fiction qui est une science-fiction tournée vers la modernité. Tout en étant peut-être ironique et sarcastique, on y reviendra certainement un petit peu plus tard. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup lu et qui a quand même une culture, je pense, de l'anticipation et de la science-fiction, ce qu'on va retrouver bien sûr dans ses romans. Ce qui est étonnant, c'est que parallèlement, il a aussi une fascination pour Colette. C'est un petit peu anecdotique, son premier livre sur Colette. Bon, c'était une fascination pour le monde de l'écrit. Oui, Barjavel a lu, lorsque c'est arrivé en France, donc c'est après la guerre, Asimov et tout ça. Il avait sans doute lu avant Wells, qui considérait comme le maître. Mais attention, Barjavel, je pense, lisait Shakespeare dans le texte. Barjavel, en bon habitant de Nyons d'origine protestante, connaissait très bien la Bible. Et tous ces textes anciens l'ont influencé et on les retrouve dans ses romans aussi. Certains disent que la nuit des temps, hein. C'est Roméo et Juliette. Ouais. Ben oui, mais premier métier, on peut pas vraiment parler de métier, mais petit boulot, on dirait maintenant, de Barjavel, c'était d'être répétiteur d'anglais. Voilà, oui. Et il, à l'époque, on, au lycée, on apprenait Shakespeare dans le texte de l'époque. Donc, il connaissait beaucoup, énormément de choses. Ce que m'ont dit plusieurs personnes qui l'avaient connu chez lui à Paris, c'est que son appartement, c'était une sorte de caverne d'Ali Baba, de livres, d'encyclopédies, il y en avait partout. Et il les avait lus, hein. Il se documentait surtout. Alors, Natacha Vazderès, vous avez abordé tout à l'heure son arrivée dans le métier de l'édition avec la rencontre avec De Noël. De Noël, c'est un éditeur qui est attaché aujourd'hui beaucoup au nom de Céline, par exemple, puisqu'il a publié... C'est oui, lui puisqu'il qui a, publié, a été l'éditeur de Voyage au bout de la nuit. Et des pamphlets ensuite... Pardon ? Louis Aragon aussi. Oui, il n'a pas fait que ça. Mais justement, on va parler de cet aspect-là du personnage, puisque à la réputation de Barjavel, on associe beaucoup de choses qui sont de l'ordre du péténisme ou de la collaboration. Alors, quelle est la part du réel et d'exagéré, Pierre Creveuil ? Ou Natacha, excusez-moi, Natacha va dire... Natacha, sur l'aspect plus historique et littéraire, et je pourrais donner un éclairage plus personnel ou biographique. Allez-y, Natacha va se dire... Oui, je crois. Oui. Moi, je me suis intéressée, en fait, au cas Barjavel concernant la collaboration et, de façon plus générale, finalement, la collaboration des écrivains d'anticipation pendant cette période. Bon, aujourd'hui, les historiens, je crois, ont une vision un petit peu moins monolithique de la collaboration. C'est-à-dire que il faut absolument faire la différence entre la collaboration idéologique et la collaboration opportuniste. Donc la collaboration idéologique, ce sera par exemple un auteur, je pense à un auteur donc d'anticipation comme Jean de La Hire, qui véritablement a non seulement a repris les éditions Ferenczi qui ont été arianisées, hein, qui étaient des éditions populaires donc de l'anticipation à cette époque, mais c'est quelqu'un qui a également écrit des textes pro-nazis, antisémites. Alors le Hire, par ailleurs, c'est l'inventeur du nyctalope, c'est ça, hein, c'est le premier super-héros. D'ailleurs, le personnage du nyctalope, c'est un personnage, vous voyez, assez ambigu, assez ambivalent, et je pense qu'il est tout à fait représentatif, certainement, de son créateur. Barjavel, c'est quand même très différent, parce que Barjavel, bon, bien sûr, c'est un ami de De Noël. Il a été fidèle à De Noël jusqu'à la fin, parce que c'est De Noël qui, non seulement lui a donné du travail en 1935, l'a fait progresser, je crois, dans tous ces, je dirais, tous ces multiples métiers donc de l'édition. C'est également lui qui va l'aider à publier donc Ravage, qui ne s'appelait pas Ravage mais Colère de Dieu. Et je pense que Pierre pourra apporter un éclairage très précis à ce sujet. Et donc De Noël l'a véritablement aidé à réécrire Ravage. Et donc bien sûr Barjavel, il a été pris à cette époque-là en fait. Toutes les grandes, beaucoup de maisons d'édition collaboraient. On parle jamais de Gallimard. Mais Gallimard, par exemple, dans l'histoire des grands éditeurs qui ont collaboré, est quelqu'un qui, effectivement, a pactisé avec l'ennemi, avec les nazis, tout simplement aussi pour des raisons financières, parce que si vous ne collaboriez pas avec les nazis, vous prenez donc votre maison d'édition, ils l'arianisaient, comme il disait, c'était le terme utilisé par les historiens. Voilà. Donc, du coup, Barjavel, il a fréquenté ce monde de la collaboration. Je pense que ce qui pose peut-être le plus problème, c'est Ravage. Mais bon, Ravage, roman écrit en 1942, publié en 43, est le reflet de son époque. Et on voit effectivement dans Ravage des thèses péténistes, mais moi j'y vois surtout une utopie régressive, un retour véritablement à la terre. Bon, évidemment, c'est très conservateur, notamment en ce qui concerne les femmes. Mais mis à part ça, Barjavel n'a jamais écrit donc de pamphlets antisémite. Barjavel ne s'est jamais affiché, si vous voulez, comme un pro-nazi. Et d'ailleurs, à la fin, il a été jugé, évidemment, dans un premier temps, par sa proximité avec Robert de Noël ou avec Lucien Rebatté, qui, lui, donc, était un vrai collaborateur idéologique. Il a été noté sur cette liste noire du manifeste des écrivains français, en même temps d'ailleurs que Jean de La Hire, donc, ou Jean d'Agrève, mais son nom sera retiré de la liste définitive le 21 octobre 1944, comme par exemple Henri Bordeaux, Paul Fort ou Paul Morand. Donc c'est juste cette proximité, je pense, avec de Noël. Alors évidemment, ça va le suivre par ailleurs, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment envisager ce problème-là avec la distance historique et avec évidemment un regard d'historien sur la collaboration plutôt que de porter finalement un jugement un petit peu à l'emporte-pièce. Pierre Creveil. Sans compter... Pardon. Oui, sur cet aspect-là des choses. Donc de Noël, une sorte de mentor de... Oui, une sorte de mentor. Alors effectivement, c'est lui qui a accueilli, fait venir Barjavel à Paris de Cusset, Moulin, Vichy à Paris en 1935. Barjavel avait commencé à écrire de manière journalistique dans le Progrès de l'Allier quelques années avant. Il a écrit bien 4 ans, donc depuis 1931. Il était déjà journaliste et rompu aux techniques d'imprimerie, puisque c'était un petit journal où il faisait à peu près tout. De Noël l'a introduit dans le milieu aussi bien des lettres que des journaux. Je pense que c'est lui qui a aidé Barjavel à écrire des critiques de cinéma ou de théâtre dans Le Merle Blanc, dans différents journaux où il connaissait du monde. Quand Barjavel s'est mis à écrire pour de bon un roman, alors il en avait commencé un avant ce qui allait devenir Ravage, mais c'est Ravage qu'il a vraiment présenté à Robert de Noël sous le titre La colère de Dieu. Robert de Noël l'a pris pendant une demi-journée qui s'est prolongée la nuit pour lui réécrire, en fait, pour lui dire bon, voilà comment il faut écrire pour être publié maintenant, peut-être avec des sous-entendus, voilà comment il faut écrire pour être publié dans le contexte actuel. Et on peut penser, et Barjavel l'a évoqué à demi-mot par la suite, que certaines choses étaient un peu dirigées dans l'air du temps par ce que de Noël a remanié avec lui. C'est-à-dire que Barjavel a semblé, à certains moments de sa vie ultérieurement, considérer que certains passages de Ravage étaient un peu plus de la main de Noël que de la sienne. On peut le dire, on peut le penser. Il n'y a pas vraiment de traces écrites, mais il y a des confidences orales qui le montrent, oui. Et ça se sent un peu. Une preuve, enfin quelque chose qui va dans ce sens-là, c'est qu'après la guerre, Barjavel a professé un total rejet de tout ce qui était politique. Dans un recueil de d'interviews d'écrivains, il dit « la politique est une saleté, je ne veux vraiment pas m'en mêler », etc. Donc on peut penser qu'il a été sérieusement échaudé par les conséquences politiques de ses choix ou même de ses activités qui n'avaient strictement rien de politique à l'époque où il les menait, mais qui étaient peut-être plutôt simplement littéraires, voire même alimentaires. En 1943, il était le seul pour faire vivre sa famille et il avait que cet emploi-là et fallait avoir du papier pour imprimer chez De Noël et pour ça fallait être un peu dans l'air de l'époque qui était la vie de la, j'ai envie de dire, de 80% des Français. Parce qu'on n'a pas décrit l'intrigue de Ravage, on est parti du principe que les auditeurs le connaissaient, mais on peut dire quand même rapidement que c'est une société qui... C'est une société très avancée d'un point de vue technique. Ça se passe en 2052. C'est un des rares livres de Barjavel, elle est datée dans le futur ou dans le temps. Et puis un beau jour, pour une raison qu'on n'arrive jamais à expliquer, qui n'est jamais expliquée, l'électricité disparaît. Le phénomène électrique disparaît. Du moins, la manifestation électrique disparaît. Évidemment, tout s'arrête et on réalise que tout dans cette civilisation même dépend de l'électricité. Il suffit d'imaginer ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu des pannes d'électricité un peu prolongées. Et à ce moment-là, le monde, la civilisation s'effondre et c'est un groupe de personnes guidées par François Deschamps, c'est le héros principal, qui s'en va créer une sorte de communauté de vie extrêmement rustique, qui rejette toute machine, évidemment, il n'y en a plus, mais qui rejette même l'idée qu'il puisse y avoir des machines. Donc on travaille la terre avec, pas avec ses mains, mais avec des outils assez rudimentaires. Et François Deschamps, qui est le patriarche parce qu'il vieillit, qui s'entoure de femmes parce qu'il faut repeupler, donc... Il est un petit peu, on dirait, patriarche, mais un peu dictateur. Et voilà, c'est... Il y a ce rapport un peu particulier aux femmes aussi. Oui, mais bon, oui, certes. Donc c'est ça, en vraiment très peu de mots, le thème de Ravage. Et ce monde patriarcal régressif qui est présenté à la fin, il n'est jamais présenté comme un idéal. Hein. Il est présenté comme ce qui s'est passé dans la logique de, voilà, si l'électricité disparaît. Le thème de l'électricité qui disparaît a été repris de nombreuses fois dans la science-fiction, que ce soit en littérature ou au cinéma. Il y a quelques années, il y avait une série américaine, Revolution, qui était exactement le même thème et qui aboutissait à une civilisation pas très éloignée de celle-là. Natacha Vazderès, cette forme de défiance par rapport au progrès qu'il y a dans Ravage, elle n'est pas caractéristique des autres ouvrages? Si. Il faut replacer un petit peu, je crois, Barjavel dans une dialectique de l'utopie, en fait. Parce que je crois que en fait, les œuvres de Barjavel sont ambivalentes. C'est-à-dire que d'un côté, vous allez avoir des visions qui sont présentées, des visions utopiques d'une société donc technologiquement très avancée, où la science a vraiment fait des progrès tout à fait incroyables. Donc c'est le cas par exemple dans les premiers chapitres de Ravage. Vous allez avoir également, par exemple, dans Le Diable l'emporte. En 1948, également donc cette vision finalement donc d'une société très avancée. Et alors en même temps, très souvent, eh bien, on a finalement l'inverse du progrès. Alors on tombe pas vraiment dans la dystopie, mais souvent il y a quand même une apocalypse dans les romans de Barjavel. Et là, je dois dire, si je me place en tant que peut-être historienne très modeste de la science-fiction française, je crois que c'est une thématique. C'est une approche qu'on retrouve chez de nombreux auteurs de science-fiction en France, et ce depuis les années 1925. Je vous donne quelques titres où on va retrouver exactement cette même dialectique entre progrès extraordinaire donc de la science, de la technologie, et puis donc une vision catastrophiste ou apocalyptique due justement à cette technologie. Vous avez par exemple La fin d'Ila de José Mouzelli ou Les hommes frénétiques d'Ernest Perrochon en 1925. Vous avez Queen Zinzinzili de Régis Messac en 1937. C'est-à-dire qu'en fait, on a... et puis aussi, pardon, j'oubliais La guerre des mouches de Jacques Spitz, même si là, c'est plutôt un insecte mutant. Donc, c'est la thématique de la mutation qui va proposer la catastrophe. Mais en réalité, Barjavel, vous voyez, s'inscrit dans cette lignée, finalement, d'écrivains français très critiques, voire parfois sarcastiques. C'est le cas de Régis Messac, par exemple, ou de Jacques Spitz, qui vont véritablement mettre en scène le progrès, puis mettre en scène, là, justement, les conséquences donc néfastes de ce progrès ou la disparition, finalement, du progrès technologique, comme c'est le cas, par exemple, dans Ravage. Pierre Creveuil, il y a une forme d'ironie dans l'écriture de Barjavel qui va un petit peu disparaître au fur et à mesure, non ? Non, elle disparaît, elle se transforme. Elle s'étiole un peu, quoi. Elle se transforme, elle s'épure un petit peu. Mais cette ambivalence que Natacha indiquait, mais ça rejoint tout à fait ce qu'on disait au début sur cette double phase de Barjavel, attachée au monde rural et attachée au monde urbain et plus avancé. Et c'est ça qui construit finalement de l'intérieur cette ambivalence de position. Maintenant, on entend souvent dire ou lire, on voit lire, Barjavel, antiprogressiste réactionnaire, sur la base justement, par exemple, de La fin de Ravage. Or, comme je le redis, La fin de Ravage, c'est pas présenté comme un idéal. la fin de la nuit des temps, l'effondrement d'une civilisation, c'est absolument pas présenté comme un idéal. C'est présenté comme un danger d'une science sans conscience qui n'est que ruine de non pas seulement de l'homme, mais de la civilisation. Pour ce qui est de l'intérêt, enfin de l'avis, de la position de Barjavel par rapport à la science et même à la technique, pas seulement la science mais la technique, c'est tout le contraire. Si on lit son dernier livre, donc qui n'est pas un roman, Demain le paradis, c'est le livre posthume qui est paru posthume puisqu'il l'a pas terminé vraiment, ça se termine sur une virgule. C'est une sorte de chant d'espoir vis-à-vis du progrès et de réalisation technique bien identifiée. J'ai un article au Journal du Dimanche en 1980 où il présente la conquête spatiale. Un article donc de la main de Barjavel. Oui, au Journal du Dimanche, dans sa chronique hebdomadaire. Il parle des photos de Saturne recueillies par la sonde Voyager et montrées à la télévision. Il dit, mais à quoi ça sert tout ça? Des gens peuvent dire, à quoi ça sert tout ça? Est-ce qu'on ferait pas mieux de nourrir les enfants, d'acheter du lampoute pour les enfants du Sahel? Et il répond, mais non. D'abord, si on faisait pas ça, il n'y aurait pas plus d'eau au Sahel. Et puis, grâce à cela, ça a permis un nombre considérable de choses. Et il donne des exemples. Des exemples que j'ai retrouvés cette semaine même dans un article sur ce qu'on doit aux recherches de la NASA. Les caméras sans pellicule, les caméras numériques, etc. Et tout un tas de technologies qui sont développées grâce à la curiosité de l'homme. Et que c'est ça, la fonction de l'homme, c'est d'aller plus loin et de connaître davantage. Alors sur tout ce est possible, l'horreur et le miracle, je suis heureux de vivre aujourd'hui. Voilà sur ce rapport à la science, on va écouter un autre document sonore qui vient d'une émission qui a été diffusée par la RTF le 1er janvier 1950. L'émission s'appelait « Plein feu sur les spectacles du monde ». Et René Barjavel va parler là de son rapport à la science et même à la science-fiction. Je crois que ce sont presque deux genres opposés. Moi, j'ai fait les deux. J'ai fait des romans d'anticipation scientifique et j'ai écrit des contes purement fantastiques où le scientifique n'a plus aucune part. Et l'anticipation scientifique, c'est une question de logique. Vous partez d'un postulat quelconque, n'est-ce pas, et vous en tirez toutes les conclusions simplement en ajoutant à 2 à 4 et 4 à 8, etc. Vous avez tout ça se fait presque tout seul, c'est très facile à faire. C'est le fantastique, au contraire, est du domaine poétique et marche contre toute logique et contre toute mathématique. Dans cet extrait, Natacha Vazderès, j'ai l'impression que Barjavel donne un peu des clés de son écriture, c'est-à-dire concernant l'anticipation ou la science-fiction, il n'invente pas, il développe, il construit sur l'existant en quelque sorte. Oui, alors j'avais gardé donc justement pour ce type de question une citation de Barjavel où il disait « Je m'excuse, je n'ai aucune imagination, j'ai seulement les yeux ouverts et un esprit simple, assez logique. Ravage, le voyageur imprudent, le diable l'emporte, ne sont que des catalogues d'éventualités, je n'imagine pas, je considère ce qui est possible. » D'accord ? C'est-à-dire que, en fait, ce que nous dit Barjavel hein, concernant ce qu'il appelle ses anticipations scientifiques, c'est simplement qu'il observe le présent et que je crois qu'il va essayer finalement de développer l'idée du présent dans un futur. C'est-à-dire qu'il faut que l'idée finalement scientifique soit vraisemblable. Et il y a très peu de temps, j'entendais donc les scientifiques qui disaient qu'ils étaient en train d'inventer une sorte de viande synthétique pour pallier justement à l'élevage. C'est un sujet qui fait penser un peu à la nuit des temps d'ailleurs. Hein. Ravage aussi. Oui, aussi, mais surtout, il existe dans Ravage quand, dans les premiers chapitres, lorsque donc François Deschamps arrive à Paris, donc dans cette ville radieuse, cette ville extraordinaire, extraordinairement développée d'un point de vue technologique, eh bien, il va dans une brasserie et dans cette brasserie, on lui sert un steak et des frites. En fait, ce sont de gigantesques, donc une gigantesque pomme de terre qui vit dans un bac et la viande, c'est la même chose. Et donc, on coupe des tranches. Des frites et donc des tranches de viande dans cette viande synthétique. Et donc, on est en 1943. Donc, c'est quand même une description qui est extrêmement, extrêmement précise. Et ça, c'est vraiment un exemple qui m'avait tout à fait tout à fait marqué par rapport à ça. Puis je crois que Barjavel, c'est quelqu'un... alors, est-ce que c'est en lien à la Terre, avec la Terre, c'est possible ou pas? Ça peut-être Pierre Creveuil pourra nous le dire. Mais il a quand même, dans son écriture et dans ses, je dirais, dans ses inspirations littéraires, il a un désir et une envie de travailler vers le fantastique, mais surtout, je crois, vers le merveilleux, puisque il a quand même écrit, donc, en 1984, L'Enchanteur, qui est une réécriture donc de la légende arthurienne et qui se focalise sur Merlin l'Enchanteur, et aussi un très beau roman qui s'appelle Les Dames à la Licorne, qui se passe en Irlande et qui est à la fois un va-et-vient entre les légendes merveilleuses de l'Irlande et puis des personnages contemporains. Donc je crois qu'il y a en lui, encore une fois, et peut-être que ces sortes d'ambivalence ou de paradoxe, ça permet d'expliquer l'écrivain qu'il est. Donc un paradoxe entre une écriture plutôt fondée sur les anticipations scientifiques et puis une écriture qui va reprendre donc les codes du merveilleux en reprenant la base du merveilleux, c'est-à-dire la légende arthurienne et le folklore évidemment arthurien. Pierre Creveuil, il y a un aspect visionnaire donc dans l'œuvre de Barjavel, et puis alors je vois l'heure qui avance, je voudrais pas qu'on rate le coche, il faut absolument parler de La Nuit des Temps évidemment. Donc sur l'aspect visionnaire de l'œuvre de Barjavel. On le trouve cet aspect dans toute l'œuvre depuis au moins Ravage jusqu'à Demain le paradis. Hein. C'est bon, le seul moyen de bien s'en rendre compte, c'est de tout lire. Grâce aux éditions qui ont continué depuis maintenant quelques décennies que Barjavel est décédé, à publier ces livres, ces romans, on les trouve pratiquement sans trop de difficultés. Bon, les grands romans en collection de poche. L'ensemble dans les recueils romans extraordinaires, romans merveilleux et le recueil de Demain le paradis qui regroupe les essais, c'est toujours assez visionnaire. Barjavel, alors pour rebondir un petit peu sur ce que disait Natacha, Barjavel ne se considérait finalement pas comme un romancier de science-fiction. D'abord, il récusait un peu le terme de science-fiction. C'est pas un genre littéraire parce qu'il y a tous les genres dans la science-fiction. Mais il se considérait comme un conteur. Il faisait venir l'étymologie de son nom d'un mot provençal qui aurait voulu dire le bavard. Ça peut être discuté par des puristes de l'étymologie, mais il imaginait qu'il avait des ancêtres qui racontaient des histoires au coin du feu et que celui lui avait donné, que ce nom-là leur avait été donné. Donc il se considère comme un conteur plutôt moraliste. Au sens de La Fontaine, il était son auteur fétiche, c'était Jean de La Fontaine. Et chacun de ses livres a non pas une morale, mais une sorte de moralité, du genre si tu es un corbeau et que tu as un fromage dans la bouche et que tu ouvres la bouche, il va tomber. Si l'électricité disparaît, voilà ce qui va se passer. Donc c'est un petit peu ça, sa démarche d'écriture. Alors maintenant, l'anticipation, on la trouve surtout effectivement à partir des années 60, parce qu'il suivait au quotidien les progrès scientifiques. Il était en relation avec un nombre important de savants, de chercheurs, avec qui il échangeait de manière assez pointue. Et dans La Nuit des Temps, on trouve des idées d'anticipation dans une civilisation qu'il situe il y a 900 000 ans, mais qui ont vu petit à petit leur réalisation apparaître dans notre quotidien. Vous pensez à quoi, par exemple? Alors, je pense... je vais penser à... Il y a ces boîtes-là qui permettent de fabriquer de la nourriture. Bon, il y a la question de l'énergie. Alors, il rêvait de récupérer l'énergie dite universelle grâce à une équation qui aurait expliqué tout et le reste. Que seul Corban peut expliquer. Voilà, non, c'est pas 42. Et qui aurait permis de tirer de l'énergie du néant, en fait, et de la transformer en matière, puisque égale MC2, donc l'énergie de la matière, et de produire de la nourriture, de la matière pour les constructions, pour les objets. Bon, ça reste un petit peu quand même utopique, mais on peut y voir la direction de certaines recherches encore en physique théorique. Dans les faits plus techniques, il évoquait déjà dans La Nuit des Temps, lorsqu'il s'agit de déchiffrer la langue de cette civilisation, de faire travailler ensemble plusieurs dizaines, centaines d'ordinateurs. Qu'est-ce que ça s'appelle ? Qu'est-ce que c'est ? C'est le calcul en réseau. C'est le réseau, c'est le... C'est Google Translate. Le résultat, c'est Google Translate, qui on trouve maintenant à des casques qui traduisent quasi instantanément. Mais la manière de chercher, c'est vraiment le grid computing qui a démarré il y a une petite vingtaine d'années et qui constitue le travail en réseau, voire le cloud. Cet accessoire que tous les habitants, que tous les citoyens désignés de la civilisation de Gondawa ont à la main, alors, je sais plus si c'est la gauche ou la droite, une bague, il faut reconnaître, et l'un des inventeurs l'a reconnu, que c'est ce qui a donné notre carte à puce. Hein. C'est Moreno. Non, Moreno ne voulait pas entendre parler de Barjavel. Moreno a inventé le fusible, hein, faut pas exagérer non plus. Michel Hugon de la société Bull et celui qui a breveté la carte bancaire m'a dit oui, c'est inspiré par Barjavel. D'ailleurs, j'avais envoyé une carte, un prototype à Barjavel. Chez Bull, j'avais créé une salle de réunion qui s'appelait salle René Barjavel et il reconnaissait cette idée-là. Natacha Vazderès, sur ces aspects-là de l'œuvre de Barjavel, ce côté visionnaire, il a inventé plein de choses. J'avais relevé que dans le livre Le Voyageur Imprudent, il imagine des hommes qui sont ramenés au rang d'outils. Et on pense au transhumanisme, par exemple. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que ces exemples, je vais en donner comme ça quelques-uns, sont totalement à mettre en lien avec une vision aussi un peu quand même ironique et sarcastique du progrès. C'est pas, je dirais, on ne tombe pas dans le registre comique, mais quasiment. Donc dans Le Voyageur Imprudent, on a effectivement le voyage dans le temps, hein, et le paradoxe évidemment temporel. Ça, c'est une dimension science-fictionnelle très importante du roman. Mais on a aussi une vision de cet an 100 000, où en fait, les hommes... Alors c'est une sorte de drôle de société communiste qui fait l'analogie entre le rôle social et les fonctionnalités de l'être humain. Et donc, eh bien, les êtres humains sont devenus une cellule particulière d'un corps social parfait, avec des travailleurs hyper spécialisés, qui ne font qu'une seule chose, comme par exemple, ce sont des bergers, ou alors ils n'ont qu'une bouche, des bergers qui n'ont qu'une bouche sans dents, ou des guerriers qui ont des épaules gigantesques. Et les classes privilégiées, par exemple, sont transformées en estomac, ce qui m'a fait penser au personnage de Messer Gaster dans le car-livre, par exemple, de Rabelais. Par exemple, les animaux, eh bien, les vaches ne sont plus qu'une mamelle géante. Et donc, on voit qu'il y a une espèce de restructuration biologique complète et une nouvelle redistribution, en fait, des comportements humains. Alors, Natacha Vazderès, malheureusement, l'heure s'écoule. J'ai plus qu'une minute pour parler de Barjavel. Donc, je voulais pas qu'on oublie le fait qu'il a eu un compagnonnage long avec le cinéma, Pierre Creveuil. Oui. La Nuit des Temps a failli être un film. Alors, il a écrit plus de scénarios de films qu'il a écrit de romans. Il a écrit des scénarios et des dialogues. Il n'a pas réalisé vraiment de film. Il a réalisé un court-métrage, de qualité moyenne. En revanche, La Nuit des Temps était à l'origine un scénario de film qui aurait coûté beaucoup trop cher à réaliser. Qui devait être fait par André Cayatte. Qui devait être fait, qui a été conçu. L'idée venait d'André Cayatte. Et puis, le film étant abandonné, il en a fait un roman à partir d'un scénario très court qu'il a étoffé, dans lequel il a introduit l'idée d'avoir deux personnages, un homme et une femme, et c'est devenu un roman romantique en plus. Et avant de conclure cette émission de la méthode scientifique, on va avoir un invité surprise. Allô ? Qui est au bout du fil ? Nicolas Martin, comment ça va Nicolas Martin ? Écoutez, ça va, ça me fait plaisir de vous entendre. Après trois semaines d'isolement quasi intégral à l'autre bout du monde, je suis content d'entendre à nouveau des voix humaines au bout du téléphone. Et oui, dialoguer avec les manchots, on s'en lasse au bout d'un moment. Hein. Vous revenez d'une expédition au pôle Sud. Exactement. Alors figurez-vous qu'on ne se lasse absolument pas des manchots. Effectivement, je reviens de trois semaines de mission en Terre Adélie, où je suis allé tourner un documentaire qui sera diffusé donc cet été sur l'antenne de France Culture, à la base du Mont d'Urville. Et la base du Mont d'Urville, en fait, elle est vraiment sur une île qui s'appelle l'île des Pétrels. Le Pétrel, c'est un autre oiseau, un petit oiseau blanc. Mais elle a été installée au cœur de deux colonies, d'une colonie de manchots empereurs qui se reproduit à cet endroit-là, et une colonie de manchots adélie. Et là, en été, puisque c'est l'été austral, et ben, les manchots adélie, il y en a partout. Il y a des milliers d'individus. Ils sont partout autour. Vraiment, dans la base, on vit complètement avec eux, avec tout ce que ça peut supposer de vivre au milieu d'une espèce sauvages, d'agréments et de désagréments, parce que je ne vous cache pas qu'un manchot adélie est une colonie de manchots adélie qui se reproduit de façon assez fort. ce sont des émotions à la fois assez positives et parfois un peu envahissantes. Mais écoutez, voilà, c'était une expérience très très forte de fouler ce sol antarctique. Et voilà, vous m'attrapez au retour du bateau puisque je suis descendu de l'Astrolabe il y a quelques heures à peine. Alors vous nous revenez ornithologue d'élite, mais concrètement, ça veut dire que dès lundi, vous êtes de retour à Radio France. Alors, en fait, il y a un petit truc, c'est que dès lundi, effectivement, je reprends les rênes. D'ailleurs, je tiens à vous remercier, Olivier, d'avoir été là pendant 3 semaines, d'avoir assuré la relève brillamment comme vous l'avez fait, parce que on a eu plein de messages. Je viens de rouvrir ma boîte mail et plein de messages en disant que vous avez fait un boulot formidable. Je n'ai pas pu l'écouter, mais je m'empresserai de le faire dès que je le pourrai. Bon, puisqu'on en est au remerciement, moi, je vous remercie de votre générosité, Nicolas Martin, parce qu'il fallait en avoir pour me prêter votre micro. Non, mais c'était super de vous avoir, Olivier. Merci beaucoup, en tout cas. Et donc, voilà, à partir de lundi, c'est notre semaine de fin d'année. Comme toutes les semaines, on fait une semaine un peu spéciale. Là, ce qu'on vous a concocté, c'est une semaine à cheval entre les sciences et la science-fiction, entre l'actualité de la recherche scientifique et un peu de prospective. Et donc, tout au long de la semaine, on va s'interroger sur une sorte d'avenir à moyen puis à long terme sur toute une gamme de sujets. Par exemple, dès lundi, on se posera la question de à quoi vont ressembler les animaux du futur, hein, la biodiversité face à la crise, qu'est-ce que ça va créer sur la faune en matière d'évolution. Mardi, on va se poser la question de la terraformation des planètes. Est-ce qu'on pourra un jour terraformer une planète, évidemment Mars au premier chef, et puis plus tard peut-être d'autres planètes. Mercredi, on s'interrogera sur la connexion cerveau-internet. À quel moment est-ce qu'on pourra accéder directement à la matrice, directement par notre cerveau? Et puis jeudi, on s'interrogera sur la physique et l'unification de la physique, c'est-à-dire que se passe-t-il le jour où on arrive à quantifier la gravitation, avec notamment Carlo Rovelli. Et puis vendredi, on diffusera un entretien que je recommande chaleureusement aux auditeurs de la méthode, avec l'écrivain de science-fiction britannique Christopher Priest, qui a notamment écrit le roman Le Prestige, qui a été adapté au cinéma, mais aussi plein de livres, plein de romans absolument merveilleux, notamment l'inclinaison, le monde inversé, bref, qu'on avait enregistré aux Utopiales, au Festival des Utopiales à Nantes cette année. Voilà le programme de la semaine prochaine. Et encore merci, Olivier, d'avoir été aussi brillamment porteur de ce flambeau qui est celui de la méthode scientifique pour nos auditeurs. Et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, parce que vraiment, Nicolas, vous avez la chance de travailler avec une bande de journalistes formidables. On voit que la méthode scientifique, on ne dira jamais assez, la méthode scientifique, sans l'équipe de la méthode scientifique, ce n'est pas la méthode scientifique. Donc encore une fois, vous faites bien de le dire, Olivier, qu'un grand coup de chapeau et de remerciements et d'amour leur sont envoyés, parce que c'est vraiment grâce à eux que la mission peut exister dans la forme qu'elle a aujourd'hui. Et on vous retrouve dès lundi, donc, sur les ondes de France Culture. Merci Olivier, très bon week-end à vous, au revoir. Au revoir Nicolas. C'est la fin de cet épisode de la méthode scientifique consacré à Barjavel. Nous étions avec Pierre Creveuil, président et fondateur des Amis de René Barjavel. Il faut aller voir le site barjaweb.free.fr. Et nous étions également par téléphone avec Natacha Vazderès, chercheuse associée de l'Université de Bordeaux-Montaigne, spécialiste de la SF. Tous les livres de Barjavel ne sont pas réédités, mais 85% de son œuvre est en librairie. Un livre, Pierre Creveuil, que vous conseillez? Un titre? La nuit des temps. Et il vient d'être réédité en trois formats, dont la facsimilé du manuscrit, faut le dire. Natacha Vazderès, un titre? Oui, moi aussi, La nuit des temps. Je pense que c'est Barjavel, SF universel. Très bien, merci à l'équipe de la méthode scientifique, Ève Etienne, Mathieu Lefrançois, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lausanne, Tom Amdestock, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique Bruno Gagnère-Fontanil. Demain, samedi à 16h, ce sera la conversation scientifique d'Étienne Klein. N'oubliez pas que vous retrouvez donc Nicolas Martin lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.